soleil, ta rythme, j'ai préparé. Mon podcast app et on doit aller. Corrige, je vais faire. Appelle tes sœurs et tes frères. C'est Zouzou, il met l'ambiance, donc t'as pas grand chose à faire. Oui, Doudou, t'es prête? On doit. Vas-y, Chalou, fais sur le tempo. Prends une guitare comme si tu en jouais. Donne-moi une note du haut vers le bas. Mais tout d'abord, Chalou. Il faut que tu sois relax pour la compamination. Vas-y, mets-toi en place. Action. Vas-y, Chalou, fais sur le tempo. Prends une guitare comme si tu en jouais. Donne-moi une note du haut vers le bas. Mais tout d'abord, Chalou, guitare.